96.2. La FM en couleur. Arc-en-ciel 96.2, votre émission Groove Tropical jusqu'à 20h, le meilleur de la musique qui nous vient de la Caraïbe. Et c'est Chantal qui vous accompagne comme ça, avec du zouk, du compas, peut-être un petit peu de salsa. Ouais, ce soir on va essayer de mettre le plein de soleil. Il y aura des nouveautés aussi, des petits coups de cœur rétro. Tout de suite c'est Marvin avec Je veux. C'est carré. 18h-20h, votre émission Groove Tropical, c'est Chantal qui vous accompagne. Je n'en trouve plus le nord, demain tu risques d'être en retard. Fini d'être aussi sage. Je veux te sentir tout contre moi et te maintenant qu'il est tard. C'est comme si le temps s'arrêtait, qu'on puisse juste maintenant plus un mot, laissant la nuit décider. Déconnecter des réseaux, silence activé. Je vois dans ton regard qu'il n'y a pas d'once d'un remords. Quand nos corps sont vides, silence prenne la place de la raison. Arc-en-ciel 96.2, un album qui est sorti il y a une dizaine d'années. Bien sûr, vous aviez reconnu NG avec ce titre Bleu Nuit. Moi, j'aime bien retrouver les petites choses comme ça. Ça fait du bien. Sur le 96.2, à suivre le tout dernier album d'Harmonie qui est sorti il y a quelques jours. Je crois il y a tout juste une semaine. Mais avant ça, on va avoir un petit duo avec, comment qui s'appelle, Monsieur Guérand de Coupe-Caille et puis Pekani. Compa Gouillac. 18h, 20h, votre émission Groove Tropical, c'est Chantal qui vous accompagne. Fais comme si m'pas d'exister, nous pas qu'à vivre, même côté, bouger nous pas jamais croiser. Même si toutefois, gros problème, il va t'obliger comme ça. Nous te coûter bête toi, qui toujours dans nous mêmes, qui fait des fois m'pas qu'à approcher. Sentiment de plus réduit en 10 amis. Qu'on n'a pas l'eau pas comprendre, ma bande de 600 bourrées, pas prendre. Nous avons commencé par bien les lundis, vous nous arrivez, nous vendredi. Ben, dans le monde d'un couillon, encore nous chacun, mais au moins pour nous arrêter. Ben, chérie, pas contre mon relation, pas jamais fait comme ça. En côté, qu'est pour ne pas perdre dans ça. Moi, pour combattre la bonne décision, ça. Baby, font job pour nous sortir dans vie, ça, oui. En harmonie, la FM en couleur. Yeah. personne m'a jamais manqué. C'est pour la chaque jeudi. Fanatique comme c'est des délits. On dit qu'est-ce que ça vous fait? Pas dit ça, pas bon. Souris et harmonique. Fini la moise. L'ambiance du jeudi soir entre 18h et 20h du compas comme on aime. En tout cas, c'était le groupe Harmonie qui vient de sortir son tout dernier album. C'est tout nouveau, c'est tout chaud. Ça fait à peine sorti, à peine une semaine que l'album est sorti. Il y a plusieurs titres là-dessus que j'adore, que je vous ferai découvrir. Oh, peut-être un autre tout à l'heure. On verra un autre extrait de ce très très bon album d'Harmonique. 96.2, c'est la bonne fréquence pour le maximum de soleil. Et c'est Chantal qui vous accompagne. Groupe tropical. Je t'ai laissé assez de temps. J'ai tenu malgré le vent. Mais on va pas dans le même sens. Ça suffit, je choisis pour toi. T'es marié, un gars, une fille. Je vais construire moi aussi. Donc je ne serai pas dans ta double vie. Là, ça suffit, je choisis pour toi. Avec toi j'étais complet. Je balaye toutes ces années. Me demande plus de rester. Oui j'ai fait mon choix. Avec toi j'étais complet. Je bannis toutes ces années. Me demande plus de rester. Je m'en vais loin de toi. C'est décidé je me dévoue. Dévoue. Je crois que j'ai loin de ce bon chemin. Je ressens bien que tu dégoûtes. Je ne suis pas la seule que tu prends dans tes bras. Mais dis-moi, sa femme, que pense-t-elle de tout ça? Est-ce qu'elle sait que t'as connu mes drames? Dois changer. Sa ouvri, vini kote mwen, anke mè. C'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Chérie, m'ta oué l'esprit ou fatigué, mais non, c'est pas ça qui est ou mérité. Moi, qu'on soit moins fait ou un pile mal, moi, tellement désolé. Et tout, j'ai fait folie pour vanité, même bien oué ou c'est ça qui est vérité. Donc, oui, bonne chance pour me récoller, moi, c'est au cœur qui me disait. Parce que m'pas. Senti se kem kap mache, depi pa bakote, mwen koumante chan. Votre émission Groove Tropical sur Arc-en-Ciel entre 18h et 20h. Le meilleur de la musique qui nous vient de la Caraïbe, c'était le groupe original H. Moi, désolé. Quelque chose inachevé. FM en couleur. En couleur. Ouais.

Arc-en-ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Je suis celle qui est faite pour toi. Viens avec moi, bye.

Tropical, chaque jeudi entre 18h et 20h. Arc-en-ciel 96.2 la FM en couleur. Votre émission Groove Tropical, extrait de son tout dernier album. Non, c'est son dernier single, le titre Ma Partition, sur le 96.2 dans votre émission Groove Tropical. La musique continue, ambiance carnaval avec le tout dernier album de Luc et André, ambiance. Malin levé, malin levé. Ouh, liquide, liquide.

honey, que c'est fini notre histoire, qu'il en soit ainsi, mon bébé. Bon, c'est bien triste hein, quand même, sur le 96.2. C'est un beau duo pourtant, hein, Marvin et Leslie, c'est une nouveauté. C'est dans ma life, c'est pas dans la mienne en tout cas. Sur le 96.2 de votre émission Groupe Tropical, la musique continue avec un autre duo, mais cette fois-ci, je pense qu'à mon avis, ils sont bien ensemble quand même. Lise et Naïs et Rachel. Non, ça veut pas y aller, si c'est bon. Waouh, ils sont un peu ralentis là ce soir. 18h-20h, votre émission Groupe Tropical, c'est Chantal qui vous accompagne. En harmonie, la FM en couleur. En couleur. Pas besoin qu'on ait que nous ne fait bagaille. Pas besoin qu'on ait que nous ne fait. Yo pas besoin qu'on me que nous n'en fait bagay. Pas besoin qu'on me que nous n'en fait des autres. Yo pas besoin qu'on aime qu'on dit ça sur notre travail là. Dire lui secret d'état. Yo pas besoin qu'on me que nous n'en fait bagay. Pas besoin qu'on me que nous n'en fait des autres. Yo pas besoin qu'on aime qu'on borde toi si bouillard. Dire lui secret d'état. Nobody has to know though if I give you that clothes. Arc-en-ciel 96.2, encore une trentaine de minutes à passer ensemble. Un grand moment où on va passer beaucoup de compas. Bien oui, c'est comme ça. Et autrement, vous n'avez pas le choix. Mais je sais que vous êtes comme moi, vous aimez beaucoup ça. Donc sur le 96.2 avant, on va retrouver, tiens, je le cale, ça va partir tout seul. C'est Adjo, eh bien oui, va dire à ton ex. Et puis après on retrouvera T-Vice, puis le tout dernier album, je suis enroué, hein. Le tout dernier album d'Harmonique, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, et le titre c'est Tiken. Allez, avant de se lancer dans le compas, je vais vous faire quand même une petite information jusqu'à ce que j'ai encore un petit peu de voix. La semaine prochaine, jeudi prochain, 13 février, je recevrai dans les studios le groupe Rap. On fera une grande, une belle émission avec eux. On va les découvrir. Ils viennent de créer leur groupe. Je pense que vous les connaissez, toute la bande à Philippe Picronet. En tout cas, moi, ça fera un grand plaisir de rencontrer ces gentils garçons. Il a perdu Game Over, la porte qu'il a fermée ne pourra plus s'ouvrir. Dis-lui que tes épaules, et même s'il est désolé, l'homme à sa place ne risque pas de s'enfuir. Être l'attaquant du siècle, je suis un bon libéraux. Va dire à ton ex que s'il veut m'enlever mon cadeau du ciel, il n'a qu'à se lever tôt. Tu peux dormir tranquille. Si je suis là, c'est jusqu'à la muerte. Bébé, prions la nuit pour que Dieu nous offre l'éternité. Laisse sur le déco.

Moi tellement de vieille expérience, je me devais convertir de près un player. Même là c'est esprit de vengeance, moi t'es plus senti comme un loser. C'est moins qu'on est. Songez bien que l'une n'est pas frère. Que nous tout apprendre et run des fins. Remember baby, texte nous pour nous réussir. L'album est sorti il y a tout juste une semaine, c'était vendredi dernier plus précisément. L'album d'Harmonix est tout nouveau. Le titre, c'est Tiken, c'est même d'ailleurs l'un des titres, l'un de mes titres préférés quand même sur l'album. Il y en a d'autres, mais alors celui-là, je l'aime beaucoup. Allez, restez bien calés sur le 96.2 parce que jusqu'à 20h, on va se régaler avec d'autres nouveautés. Là, quelqu'un que j'aime bien aussi, DJ K West. Écoutez ça. Non, baby, non, non, je veux pas rester seul. L'album hybride. Je veux pas rester seul. Mais quand peine à faire, moi, c'est où prévu. C'est ça qui coule, non, ven moi qui fait vie. Et il m'a capable encore, qui te qu'aime dormir d'ailleurs. Si l'amour n'a des accords, chérie, c'est pas une raison pour quitter tout seul. Pour quitter tout seul. La guerre n'a fait noir, chérie, tu aimes tout seul. Oh, tout seul. Je t'y aime tout seul. Oui, comme elle n'a fait noir, la vie, tu aimes tout seul. Oh, chérie, t'as mis pas quitter solo. M'en pas la voix, chérie, ou mango. Fait si comme c'est léger, moi plein de l'eau. Aïe, mon essai, moi, mes têtes, moi, non, chaud. Qu'on est la vie à pas facile. J'ai ou pas besoin, pas les hobbies. C'est le café, l'esprit tranquille. J'ai eu tant pis, pas qu'il t'aime tout seul. Ou qu'il t'aime tout seul. La game n'a fait noir, j'ai eu. Il aime tout seul. Tropical, et bien il est presque 20h sur la FM tout en couleur, il est l'heure pour moi de vous quitter. Je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, même soleil, avec des artistes dans les studios avec moi, le groupe Frappe. Alors ne ratez pas ce grand moment, donc jeudi prochain, 18h-20h. Je vous souhaite à tous un très très bon week-end, une très très bonne fin de soirée, et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. SMS MoneyGram. Je la récupère sans time. Arc-en-ciel 96.2. La FM en couleur. Longe da vista, perto do coração. Sete horas em Portugal continental e na Madeira, seis nos Açores. Em destaque na atualidade. Na hora da apresentação.